Grève générale, mais où je suis, enfin, par manque de temps, je ne suis pas très impliquée, mais par contre, elle me tient à cœur. Voilà, par rapport à lutter là tout de suite contre la loi travail, c'est un moyen, la grève générale. Et je vois l'articulation des deux commissions, convergence des luttes et grève générale, enfin voilà, comme une nécessité. Et donc quand je suis entrée, donc d'abord à la commission convergence des luttes. Les commissions ne s'étaient pas encore regroupées, mais il y avait de toute façon des enjeux déjà très proches, mais aussi des actions qui se recoupent et un besoin de se concerter. Et puis aussi par rapport au retour qui se font du travail des commissions et des propositions que font les commissions en AG, c'était aussi plus intéressant de pouvoir un peu synthétiser, en fait, voilà, pour pas avoir trois fois, par exemple, des répétitions sur des lignes. Donc voilà. Donc, alors, en fait, je vais partir même à l'envers, dans le sens quelles sont les limites et les ambiguïtés, parce que justement, j'ai tardé à entrer vraiment dans les commissions, parce que bien que j'étais dès le 31 mars à Nuit debout. À la fois très heureuse que ça existe, c'est une grande chance, et en même temps assez sceptique par rapport à la diversité des causes qu'il y a derrière, parce qu'on est rassemblés contre la loi travail, contre et son monde. Mais on est en contre, il y a pas, si on va derrière, après il peut y avoir des causes très divergentes. Et donc voilà, j'étais quand même assez perplexe là-dessus. Mais en fait, là où j'ai comment dire, enfin, on ne peut pas critiquer sans justement rien faire. Donc au moment où il y a eu la proposition de Fakir de justement passer à l'étape d'après et de faire un pas pour converger avec les syndicats et leur faire vraiment peur. Donc c'était en référence à mai 68 où de faire cette convergence qui n'avait pas eu lieu avec la jeunesse et les syndicats. Pour moi, c'était évident qu'effectivement cette jonction devait être faite et que de toute façon, de fait, elle était déjà faite dans Nuit debout, parce que il y a beaucoup de syndicalistes en fait qui sont Nuit deboutistes, donc ils vont pas avoir leur casquette, mais qui depuis le départ sont dans les commissions. Donc il y a ça, et puis sur le terrain aussi des manifs. Où, de fait, on est ensemble dans les manifs. Donc de toute façon, cette convergence était à la fois déjà amorcée et vraiment une grande nécessité. Donc il y a eu un petit moment de flottement par rapport à, ça a été évoqué, par rapport à justement cette convergence avec les syndicats qui a pu faire peur, parce que Nuit debout ne veut se référer à aucun parti, à aucune organisation, et donc évidemment pas syndicale. Et là, c'est là où je me suis dit que là, il fallait quand même essayer de passer au-delà de nos divergences et d'aller à l'essentiel, à ce qui nous regroupe tous, et notamment aussi avec les syndicats, sur déjà contrer cette loi travail. Et voilà, et donc c'est comme ça que je suis rentrée donc d'abord à la commission convergence des luttes et de fait grève générale, puisque c'est, comme je disais, c'est, pour moi ça passe par là. Donc je ne peux pas vous parler de comment ça s'est organisé au démarrage, je ne sais pas. Ce que je pense des commissions sont des commissions qui sont aussi par affinité. Donc finalement, il n'y a pas tellement de problèmes dans les commissions elles-mêmes, puisque voilà, on va vers ce qui nous attire. Alors après, par contre, justement, à Lutte debout, c'est quand même trois commissions, dont deux, donc Convergence des luttes et Grève générale, qui peuvent, elles, par contre, avoir des différentes approches. Notamment donc sur la question d'invitation des syndicats, de sous quelle forme, si ce sont des tables rondes ou si c'est en AG, etc., etc. Donc voilà, donc là on voit, comment dire, mais bon, pour moi c'est très intéressant justement, lutte debout, parce que à la fois c'est un peu le nerf de la guerre, ces trois commissions là, et en même temps c'est un peu une image aussi de personnes qui peuvent voir les choses très différemment et qui essaient de s'organiser avec les complications que ça peut donner, mais voilà. Donc alors par rapport aux formulations des objectifs politiques, alors forcément de fait, la grève générale, ça l'apporte directement. Enfin, là, c'est vraiment, pour le coup, lutte debout. Enfin, je pense que c'est intrinsèquement que c'est politique, de toute façon. Donc, de toute façon, les actions contiennent en elles-mêmes leur... comment dire ? Exactement, leur positionnement, mais oui, ben voilà, de toute façon, ça parle de soi-même, donc voilà. Donc, voilà, donc ensuite, toutes les actions organisées, alors là, malheureusement, je suis bien peinée que le copain ne soit pas là, parce qu'il y a vraiment énormément de choses qui sont faites. Bon, alors, je vais juste évoquer quelques-unes, mais sont les actions, notamment sur les actions sur site. Il y a eu... d'aller sur le site par exemple de Renault, mais aussi de Peugeot, les postiers, la SNCF, etc. Et donc là, d'être directement attracté, hein, par exemple, directement aux salariés, mais aussi justement être en relation avec les syndicalistes qui sont déjà impliqués dans la lutte. Il y a des actions de blocage. Alors notamment, il y en a une qui s'est mal... enfin, où il y a eu des interpellations ce matin. Enfin, c'est pas la première fois, mais après, ça a pu être des actions de blocage, par exemple, de McDonald's, qui en fait que ça a été... le moment du rush du midi n'a pas pu se faire, donc voilà. Il y a eu l'occupation de l'Odéon, parce que la convergence des luttes, c'est ça aussi, c'est avec les intermittents du spectacle. Et donc, bon, alors, je suis désolée, c'est pas du tout exhaustif. Et puis, bon, sinon, hier, par exemple, il y avait en réaction directe avec la suspension des débats sur la loi travail, une action de venir devant l'Assemblée nationale. Et donc, voilà, où on a été, les copains ont été nassés. Et bon, et donc, gentiment reconduit au métro des Tuileries. Alors, sinon, par rapport au... Alors, oui, le rapport avec le monde extérieur, donc les syndicats, donc là, j'en ai déjà parlé. Enfin, je pense que là, c'est carrément, justement, le pôle lutte, de par la convergence, la grève générale, etc., etc. Vraiment, là, on est complètement tourné vers le mouvement social. Par rapport à la police, également, on est un peu en première ligne par rapport aux actions, et donc en référence aux copains qui ont été arrêtés ce matin, et puis dans les manifs aussi, parce que là, c'est... Enfin bon, depuis l'état d'urgence, moi, je pense que certainement déjà avant, mais j'en avais pas conscience, mais j'ai pris conscience de la répression que subit l'extrême-gauche, qui est criminalisé, voilà. Et c'est très inquiétant de voir... enfin bon, c'est très inquiétant, la violence qui est faite sur les jeunes, les blessures qu'il peut avoir, sachant que les blessures ne vont pas être relatées, parce que si quelqu'un est autonome, il ne va pas aller dire dans les médias « voilà ce qui m'est arrivé », parce qu'il peut avoir 8 mois ferme à la clé. Donc on parle que des blessures des CRS, mais faut voir comment ils sont harnachés avec en Robocop. Donc faut imaginer les blessures des jeunes. Voilà, donc sinon, alors je vais revenir plutôt donc sur mon témoignage, dans le sens où c'est vrai qu'il y avait aussi une autre part où moi je qui me parle pas trop à Nuit Debout. Bon, Nuit Debout n'est pas que ça, mais c'est le côté très citoyeniste où par exemple la commission démocratie, là je ou qui est Il vient de partir, Oui, c'est voilà, il est parti, mais sinon j'aurais répondu directement. Mais voilà, pour moi, c'est la commission, justement, la seule qui n'est pas soumise au vote. Voilà, qui est. Enfin bon, c'est pas comme ça que. Enfin voilà, ça m'est pas. Comment dire? Bref, donc par contre, ce que je trouve très intéressant, justement, c'est qu'il n'y a pas que ces moyens-là de s'organiser, de fonctionner. Et ce qui est très riche, c'est qu'il y a des mouvements qui viennent, par exemple, de la techno ou les zadistes ou voilà, plein d'autres genres de mouvements qui ont une organisation qui se passe totalement de tous ces. Un peu ces commissions, enfin cette espèce de bureaucratie en fait qui se remet en place et qui pour moi finalement refait un petit peu, recrée un peu le monde dans lequel on est déjà. Donc pour faire bref, bon, moi je j'adhère pas à réécrire une nouvelle constitution. Voilà. Donc par rapport à ce problème que j'avais vu en amont, puis après qu'on a pu aussi vivre concrètement de divergences, notamment aussi sur les formes violentes, non violentes, etc. J'ai pensé qu'il pouvait être. Enfin, j'ai pensé pas que moi, hein, dans la commission. Carrément à Lutte Debout, on en a discuté et donc on a fait la proposition de lancer une recherche-action transversale à Tout Nuit Debout et même dans l'espoir que justement que ça soit pas juste simplement pour République, mais essayer de trouver une plateforme qui s'étende pour lancer un processus. Donc la recherche-action, celle qui se rapporte à l'éducation à l'origine ou qui portait en elle-même la volonté de transformation et d'émancipation. Donc en tant que recherche collective formée de chercheurs et d'activistes. Donc voilà, qui se donne un but, qui travaille ensemble là-dessus et où tout le monde à la fin devient et chercheur et activiste. Et donc là, c'est aussi un appel que je vous fais à ne pas voir Nuit Debout comme un objet d'étude, mais enfin, je sais que beaucoup d'entre vous, de toute façon, y sont déjà, mais voilà, à être sujet de la recherche. Et donc, la proposition, c'est cause commune et convergence des méthodes. Donc, cause commune pour justement essayer d'aller plus loin et que nos divergences de causes secondaires. Et voilà, de se mettre en marge dans ce processus-là, d'être aussi en réflexion sur ce que nous faisons, sur les actions. Parce que c'est un peu dommage qu'il y en ait qui se mettent à penser, alors que ceux qui font, finalement, ils sont déjà beaucoup plus avancés que ceux qui sont en train de penser. Donc il serait assez intéressant que ceux qui sont dans les actions aussi puissent être dans une démarche réflexive et transmettre ça. Donc, par exemple, sous forme d'une plateforme, donc je pense Wiki. Et là, si vous avez des suggestions, parce qu'on est en train de voir ça, où on pourrait déjà, dans un premier temps, lister les différentes méthodes. Alors, par exemple, l'objet de l'émancipation, la méthode d'émancipation, et où le sujet de la cause et la méthode alternative. Par exemple. Donc déjà, pour qu'on prenne conscience aussi des uns des autres, de s'enrichir de nos expériences, de prendre conscience de nos forces aussi, et de mieux connaître justement les différentes formes d'organisation. Comme je disais tout à l'heure, pas recréer toujours la même chose dans laquelle nous sommes, parce que finalement, de lutter contre, on reste dans la logique de l'oppresseur et même par exemple de la violence, etc. Donc essayer de dépasser ça, de s'en émanciper pour le coup. Et voilà, et donc par rapport à la convergence des méthodes, d'essayer de prendre le meilleur de chacun, sachant que chaque méthode toute seule a plus ou moins foiré, enfin, n'a pas été assez efficace, et de voir si on ne pourrait pas carrément éventer une autre méthode. Voilà, donc c'est pas, mais c'est pas une autre méthode qui remplacerait toutes les autres. C'est la richesse aussi, c'est de qu'il y ait toutes ces formes d'action. Ce serait toutes ces formes d'action plus une. Voilà. Merci. Merci beaucoup. La parole est à la salle, aux questions. Peut-être que, pas forcément tout de suite, mais ce serait bien d'avoir peut-être un petit retour sur Nuit debout Grenoble, puisque... pardon, je suis perdu. Voilà, mais la parole est à la salle. Et en fait, ce que je vois, d'après ce que j'entends, et aussi pour y être allée du coup samedi, à Nuit debout, c'est vraiment super différent. Enfin, j'ai l'impression que ça n'a rien à voir. Genre à Grenoble, bon, déjà on est sur un parc, donc du coup il y a plein de choses qui sont possibles, genre une vue de permaculture, il y a des jardins qui se sont faits, il y a un espace pour les enfants. Et surtout en fait, l'emplacement de Nuit debout Grenoble, c'est entre le centre-ville de Grenoble. Et les quartiers village olympique, je ne sais pas si certains vous connaissent, mais enfin, en gros, il y a un village olympique, c'est tous les bâtiments qui avaient été pour les JO et d'hiver, et maintenant, c'est des quartiers plutôt populaires. Et donc, du coup, cet emplacement-là entre la ville de Grenoble, le centre plutôt, et ces quartiers populaires-là fait qu'il y a un espèce de croisement de plein de populations qui est assez fou. Et aussi, on est à côté d'un camp de Rome. Et aussi, il y a aussi pas mal de gens mal logés qui occupent des endroits pas loin de vous. Donc, du coup, il y a un espèce de croisement assez dingue. Enfin, voilà, il y a une atmosphère assez différente que j'ai trouvée pour le coup. Après, je suis allée plusieurs fois à Nuit debout Paris samedi dernier. Donc, je sais pas, mais c'était pas la même. Tellement la même. Ni même, je dirais, secteur population, je ne sais pas si je peux parler comme ça, mais ni même la même organisation, par exemple, aussi à Nuit debout Grenoble, il y a vachement plus aussi une dynamique de créer un petit village, en fait. Enfin, déjà par rapport en une semaine, par rapport au premier jour, il y a plein de tentes qui ont été créées, plein de. Donc, il y a de permaculture, un espace pour les enfants qui est assez incroyable, un espace, des petits jardins, je ne sais pas si vous. Enfin, du coup, c'est vraiment cette dynamique un peu de créer un petit village qui fait peut-être qu'on s'enferme un peu à de nouvelles personnes qui vont arriver. En tout cas, c'est vraiment aussi ça par rapport à Grenoble. Après, par rapport à. J'en ai un peu discuté à la pause. Par rapport à cette question de fédérer tout ça, rien qu'à la discussion à laquelle j'étais samedi, on était deux de Grenoble. Et je crois même qu'il y en avait d'autres villes. Donc je pense qu'il y a des gens quand même qui étaient présents ce week-end d'autres villes. Et je pense pas qu'il y a pas d'envie ni de volonté de se faire recroiser toutes les nuits debout. Après, c'est vrai qu'on n'a peut-être pas la. Je sais pas s'il y a vraiment la volonté de fédérer. Mais en tout cas, par exemple, dès le début de Nuit debout à Grenoble, en bout d'une semaine, sans cesse, ça ressortait dans les AG surtout, la volonté. De savoir ce qui s'est passé en France dans les autres nuits debout, en fait. Et donc, du coup, chaque jour, s'est installée une habitude de dire, bon, bah, est-ce que quelqu'un veut relater ce qui s'est passé dans les autres nuits debout de France ? Et bon, du coup, c'est peut-être plus de l'information et pas de la fédération, mais du coup, voilà. Après, je pense qu'il y a beaucoup, énormément de dynamiques locales, surtout par exemple à Grenoble, enfin, de vouloir, il y a beaucoup plus, peut-être, d'actions pour faire la pression locale, que penser en dynamique nationale comme à Paris, j'ai l'impression. Après, c'est que, enfin, c'est mon avis, je ne sais pas. Voilà. Moi, je peux continuer sur un ou deux bouts d'avion. Quand je vis entre Saint-Malo et Paris, à Saint-Malo, c'est une fois par semaine, donc j'en étais deux sur trois. Et c'était exactement la même chose, en fait, où il y avait beaucoup plus de discussions sur des problèmes locaux, et il y en a énormément à Saint-Malo, parce qu'on voit ça comme une ville touristique, mais enfin, justement qui n'est pas faite pour les habitants, et aussi d'actions concrètes sur nos oligarques locaux. Et c'est vrai que c'est, ça ne donne pas du tout la même atmosphère qu'à la République. Et quand on vient à la République, c'est vrai qu'on bat. Et la population et aussi la forte concentration des militants, enfin, qu'on repère quand on est soi-même engagé politiquement, et qui donne du coup un tour différent. Et ça, ça recoupe une autre expérience. C'est que j'ai étudié des mouvements en Russie et j'étais aussi à Maïdan, dans la révolution en Ukraine à Kiev. Et là, c'est vraiment complètement exotique par rapport à ce qui se passe à République, parce qu'il n'y avait pas du tout de débat. Enfin, il n'y avait pas du tout de débat organisé en Assemblée générale, en commission. Ça se passait de manière informelle, dans des tentes. Mais dès la première semaine, donc ça a duré pendant 4 mois, à moins 10 degrés, avec des pointes à moins 20, moins 30. Donc enfin, vous voyez quand nous on se fait des boules de pique à une bâche. Et du coup, ça a duré 4 mois. Et dès la première semaine, il y avait un village, mais pour dire un village dans la ville, dans le sens où il y avait l'hôpital, la poste, on pouvait manger, dormir, se laver, même prier, il y avait une tente. Donc c'était une organisation en fait, parce que la plupart des gens qui étaient dans Maïdan, c'était des gens qui étaient de couche populaire, soit de la campagne ou soit de la ville, et qui venaient avec leur pratique d'autosubsistance et qui tout de suite ont compris, mais il faut qu'on s'installe. Et du coup, ça, la question, la police et forces de l'ordre dans les pays de l'Est, elle est beaucoup plus violente qu'en France. Donc il y avait le choix de la non-violence, pas comme idéologie ou. Mais plus comme une tactique en se disant, si on commence à faire des réquisitions et si on commence à lancer directement des cocktails Molotov, c'est pas qu'on n'en a pas envie, parce que les gars, en fait, dans le quotidien, ils sont habitués à vraiment se mettre dessus, donc c'est pas un problème. Mais si on commence à aller sur ce registre-là, en fait, ça va faire un tel désordre qu'on n'aura plus de contrôle sur notre espace. Quoi. Donc c'était une stratégie qu'on voit dans d'autres pays autoritaires. Et jusqu'au moment où il y a. Enfin, donc ça, ça a commencé en novembre, et quand c'était en janvier, quand il y a eu vraiment la volonté de donner un ultimatum au pouvoir, et que le pouvoir menait des négociations avec l'opposition parlementaire qui n'aboutissait à rien. Du coup, il y a une volonté de marcher physiquement vers le Parlement, et là, donc, il y a eu affrontement de la police, et là, il y a eu donc violence, entre guillemets, dans le sens où en réaction, et enfin, dans une stratégie. Mais on a mené beaucoup d'entretiens aussi, et on discutait informellement aussi avec les gens sur Maïdan. Il y avait vraiment cette conscience que, d'ailleurs on ne disait pas non-violence, on ne fait pas de réquisition, on calme vraiment les. Et là du coup ça me renvoie à République, on calme vraiment les gars qui sont énervés, qui viennent pour exprimer des émotions qui peuvent être exprimées à République. Et du coup, par exemple, l'alcool était interdit dans un pays où on boit pour se prémunir du froid. Donc c'était une énorme chose pour des gars pendant 4 mois. Il n'y a pas eu de manque d'alcool, mais je veux dire, c'était une décision en disant « Ok, l'alcool, c'est cool, mais si on veut être vigilant, surtout si je reviens à République à partir de 10h, minuit, et qu'on sait qu'il y aura des problèmes, c'est l'argument, une petite bière, c'est cool, devant la télé, devant l'Assemblée générale. C'est des choses à discuter, du coup, c'est vrai que c'était pour continuer sur ces expériences locales et puis dans une ville. Bon, je vais répondre sur le problème de village et de sociologie homogène. C'est un problème qu'on a, on est à Paris, on a un type de pouvoir, et tous les gens qui vivent à Paris, même dans le 18e, qui se gentrifient, c'est un gros problème. Et on n'arrive pas à faire venir des gens de banlieue. Et pour essayer de faire ça, en fait, pour essayer de faire cette convergence avec la banlieue, on va délocaliser des commissions sur des villes, sur des banlieues debout. Et donc c'est en cours. On va essayer d'aller parler de discrimination et capitalisme au milieu d'une cité. Le truc, c'est qu'on ne sait pas du tout comment ça va se passer. Nous, on est des bourgeois qui arrivent pour parler théorie. Enfin, ça va très mal se passer, sûrement. Sinon, il y a des initiatives, genre il y a un concert de Nekfeu, que je ne connaissais pas, voilà, qui a été organisé sur la place, et on se disait, ah, c'est cool, il y a des gens dans le lieu. Le problème, c'est que cette ségrégation spatiale qui existe à l'échelle macro, elle s'est reproduite sur la place, à l'échelle micro. C'est-à-dire, à gauche de la statue, tu avais les gens qui parlaient théorie, et à droite, tu avais les gars, mais là-bas, c'est les bourgeois, nous, on est venus voir Nekfeu. Et aucun mélange, donc même sur la place de la République. Et sur la question du village, le truc, c'est qu'il y a eu une initiative de campement debout, je sais pas quoi, ou d'architecture debout, qui a voulu créer un village pendant 4 jours la semaine dernière. Et gros affrontement avec la police, ils ont tout détruit et tous les jours on remonte. Tous les jours ils démontent, tous les jours on remonte. Donc ce village, il n'est pas possible sur la place de la République. C'est encore, peut-être, c'est un mauvais choix la place de la République. Le truc, c'est que. C'est un bon choix aussi par certains aspects, mais ça a beaucoup de problèmes. Non, là, c'est justement c'est une constatation, c'est-à-dire que là aussi, c'est une différence de place de la République par rapport à beaucoup de mouvements qui se sont créés après 2011, les acampadas, Place Tahrir, Bloc Occupy, où c'était des véritables occupations, ou alors ils se mettaient en place aussi toute cette structure de la reproduction du mouvement au sein de la place même, car elle était occupée. Alors il y avait les tentes, il fallait assurer la nourriture, il fallait mettre un pied des gardes d'enfants, il fallait voilà, nettoyer et voilà, assurer aussi tout ce travail-là de reproduction. À Place de la République, ça ne se passe pas, c'est-à-dire que c'est une occupation symbolique, mais de fait, c'est un accord avec la préfecture qui le renouvelle en continuation. Après, il y a le côté de revendication de ça, c'est-à-dire que en Égypte, en Espagne, aux États-Unis aussi, dès qu'il y a eu la répression et le virement des camps, ça pesait aussi lourdement sur la continuation du mouvement. Ici, il y a des gens justement qui se revendiquent de ça, qui disent « on ne va pas occuper, histoire de ne pas s'embrouiller, de ne pas mettre à risque la poursuite aussi du mouvement ». Mais de l'autre côté, je crois aussi que c'est aussi une question presque matérielle, c'est-à-dire avec l'état d'urgence, avec ce niveau-là de répression, Place de la République qui est très grande, qui a 7 boulevards géants, tout simplement, sur Place de la République, il n'y a jamais plus que 5-6 000 personnes. Donc, vraiment, tu ne peux même pas la garder contre une force de répression policière. À Madrid, à Barcelone, en 2011, il y avait 15, 20, 25 000, 30 000 personnes. Donc, la place était complètement occupée par les gens pendant des journées entières. Ça, ce n'est jamais arrivé à la République. Donc, aussi, d'un côté, il y a la revendication, mais de l'autre côté aussi, il y a une donnée de fait avec laquelle il faut y faire avec, je veux dire. Ça, c'est une constatation. Puisqu'on est parti sur des comparaisons un peu de d'autres expériences et puis aussi ce qu'on m'a raconté. Alors, pour commencer par la France, moi je suis allé à la première nuit de Saint-Denis. Alors, c'est une anecdote, quoi. C'était intéressant, il y avait 200, 300 personnes. C'était très riche. Parce que la mairie, en fait, et aussi la compagnie Jolie Môme avaient beaucoup aidé. Donc il y avait des belles banderoles, il y avait des espèces de lumières de Noël, il y avait une fanfare. Et ça faisait assez fête municipale, qui était très sympa. Mais effectivement, là, en tout cas, pour la première et puis la deuxième qu'on m'a racontée, bon, la rencontre entre le quartier populaire et les cités, pas si loin de la basilique, et puis ceux qui sont en fait déjà militants et qui travaillent avec la mairie, ça ne faisait pas du tout. Il y a des gamins qui faisaient un peu de rap, tout ça. Expérience marrante. Et à Montreuil, c'était un peu pareil ce que j'ai vu. Donc effectivement, c'est pas seulement le problème de faire converger ou se rencontrer République et ailleurs, mais en réalité, même au niveau local, il y a eu un article aussi sur Marseille où on a essayé de faire des délocalités. Donc c'est compliqué en fait. Ensuite, sur la Grèce, où j'étais allé un petit peu en Grèce assez d'avant en 2011, et puis l'Espagne qu'on m'a raconté. Bon, en Espagne, sur cette question du rapport à la police, en fait, au début, si j'ai bien compris, ils étaient une centaine, puis ils se sont fait déloger, puis le lendemain il y avait 500, puis ils se sont fait déloger violemment, et en fait, la répression et l'interdiction a suscité une dynamique de boule de neige comme ça. À République, en tout cas, je ne sais pas si ça a fait fuir du monde. Des violences à la République, mais en tout cas ça marche pas, quoi. Ça marche pas, et pareil, j'ai vu, bon, la manière dont la police a délogé cette yourte construite en Durance. C'était hyper violent, avec des lacrymogènes, une, 50 ou 100 lacrymos d'un coup, et ça, c'était vraiment très violent. Ça n'a pas l'air d'être une dynamique qui fait venir plus de monde, pour l'instant. Et en Grèce, la grande... et donc c'est très différent, parce qu'en Espagne, ensuite, et ben, non seulement il y avait ce côté village, mais en plus, il y avait une accumulation beaucoup plus facile. Toutes les commissions restaient sur place et donc c'était en partie les mêmes gens du jour au lendemain. Il y avait beaucoup plus de création de textes ou de culture commune, disons, alors que ben, comme on a témoigné, ben, ça, mais c'est, moi je trouve que c'est intéressant, ça recommence à chaque fois un peu, de nouvelles personnes arrivent. Au final, je ne sais pas combien, peut-être combien de personnes ont pu passer par là au moins plus de deux fois. À mon avis, beaucoup de milliers de personnes malgré tout. Parce que ce n'est pas les mêmes gens qui sont là chaque soir. C'est aussi intéressant. Et la grande différence avec la Grèce, pour finir avec ça, bon, c'est que c'était dans un mouvement social, on peut dire, donc contrairement à l'Espagne, et contrairement à la France, mais de plus grande ampleur en Grèce en 2011, avec vraiment une opposition, une hostilité très grande au gouvernement, au mémorandum. Et donc le rapport aux partis politiques était assez différent. Qui a créé beaucoup de tensions là-bas, alors que ici ça se passe plutôt bien. Au début des occupations des places, ça j'ai vu en fait à Saint-Agma, chaque parti ou chaque tradition avait un coin de la place différent, et il s'agissait aussi un peu de mesurer le rapport de force dans ce moment de crise politique, combien pour le Parti communiste, combien pour Syriza, combien pour tel syndicat. Est-ce que, et donc ça a été le cas, on va interdire les fascistes, les néo-nazis de venir, et ça a pris pas mal de temps aux effets. Donc il y avait un côté, on montre un peu les muscles au niveau politique, ça c'était le début, et puis ensuite, ces partis politiques, un peu parce que les discussions, enfin ils se sont dit que c'était pas la bonne technique de faire comme ça et de se montrer beaucoup avec banderole, drapeau, et un peu parce que les quartiers, notamment d'Athènes, qui avaient déjà fait des assemblées générales dans les quartiers sont venus à Saint-Agma. Et donc ça aussi c'est une grande différence, ça c'est quelque chose que m'a dit, je finirai là-dessus, parce que je ne vais pas être trop long, quelque chose que m'a dit quelqu'un qui est à Podemos Paris maintenant et qui vient du 15e, il disait, c'est super ce que vous faites, mais par contre vous n'avez aucune expérience. Nous, on sait déjà s'auto-organiser dans nos quartiers. En Grèce c'était pareil dans mon quartier à Gizi, et ben, il y avait déjà avant 2011 des assemblées locales qui faisait de la convergence des luttes, qui essayait d'empêcher les expulsions, qui travaillait avec les sans-papiers et les migrants. Et c'était pas du tout une expérience nouvelle, c'était plutôt une convergence d'expériences déjà existantes. Donc ça aussi, ça me paraît très, très intéressant. Il y a vraiment là une découverte de formes de pratiques qui n'existaient pas jusque-là. Et donc, bon, les internationaux avec qui j'ai discuté, ça les amuse un peu en disant « mais vous découvrez, c'est très très bien, c'est super ». Mais ça a l'air tout nouveau pour vous. Oui, juste un point, parce que ça rejoint ce que disait David tout à l'heure. Au fond, est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'en insistant plus sur l'expérimentation que tu m'as fait, une démarche un peu de symptôme, clinicien, mais vous semblez un peu minoré la dimension d'expérimentation. Elle paraît quand même assez importante. Tu présentais sous le mode d'un rattrapage, en quelque sorte, d'une gauche française radicale et critique qui au fond, n'aurait pas encore fait son expérience des formes d'auto-organisation et des formes de problématiques des biens communs. Donc, je voudrais un peu poser cette question-là. Est-ce que tout le monde partage un petit peu cet avis au fond, en adoptant des formes espagnoles, si je puis dire, des contenus italiens, guillemets, et la référence grecque, que je n'oublie pas pour faire plaisir à Alexis, est-ce que vraiment vous partagez un peu cette idée que c'est pas tant du nouveau que plutôt donc quelque chose qui serait plutôt une mise à jour, une sorte de mouvement qui rejoindrait finalement ce qui s'est produit ailleurs depuis 4 ou 5 ans. Bah oui. peut-être qu'il faut remonter encore en derrière, hein, pas de quelques années, mais même de quelques décennies. Je crois que là, il y a quelque chose qui a à faire aussi à l'histoire de moyenne durée de la gauche française. C'est-à-dire que ce qui s'est mis en place après 68 en France, où il y a eu quand même un véritable mouvement de cooptation institutionnelle de ces élans-là de protestation de la nouvelle gauche, quoi, pour aller très rapidement. Ça ne s'est pas du tout passé en Italie, en Grèce et en Espagne, où il y a eu même une répression policière et judiciaire très dure et aucune ouverture dans des formes organisationnelles, syndicales, de partis ou dans les institutions. Donc ça, c'est reproduit ailleurs de manière totalement autonome. Tandis que ici, oui, moi aussi j'ai un peu cette sensation-là, c'est-à-dire que toute l'expérience des places ou même aussi des municipalités à l'espagnol ou des centres sociaux en Italie ou voilà de l'auto-organisation qui est déjà là en Europe du Sud depuis plusieurs décennies, depuis au moins 3-4 décennies, ça me semble que d'une manière inédite, il se montre aussi pour la première fois de manière très consistante en France aussi. Après, je ne sais pas, le point, c'est justement quoi va-t-il sédimenter Nuit Debout. C'est-à-dire que, bon, là, moi, pour l'instant, après, personne ne peut faire des prévisions. Hein. Ça me semble que là, au moins trois voies différentes. C'est-à-dire que d'un côté, on a peut-être une reproduction, un recrutement et une politicisation dans des organisations, des collectifs, des groupes institutionnel ou autonome qui va se mettre en place, soit syndicats et partis de gauche, soit les collectivités ou les groupes voilà, plus autonomes, soit vers la constitution, la construction d'un sujet inédit. C'est-à-dire que quand même Syriza aussi, d'un côté c'est vrai qu'il vient plutôt de la gauche traditionnelle, mais entre 2008, 2010 et 2015, au moins jusqu'au juillet, quand même, c'est renouvelé pas mal. De l'autre côté, on a l'expérience espagnole qui a débouché sur la constitution d'un nouveau sujet politique. Ici, il me semble que plutôt, malgré les ambiguïtés, malgré le contradictoire qu'il y a aussi dans la place, la tentative qui est menée par certains sujets qui ont contribué quand même à la création de Nuit Debout, tente de quelque manière de pousser un petit peu vers une convergence justement avec les syndicats. Donc je ne sais pas si ce qui va mettre en place c'est un renouvellement du syndicat, mais c'est un renouvellement des formes déjà existantes ou la création d'un sujet nouveau. Mais la chose qu'il me semble vraiment, après peut-être que moi je n'ai pas toute cette expérience par rapport au contexte français, c'est qu'il émerge des formes et des contenus qui sont déjà là depuis un moment dans d'autres contextes nationaux, et pas seulement de l'Europe du Sud, parce que quand même l'Allemagne aussi a tout un mouvement autonome ou des squats ou d'anarchistes qui est beaucoup plus répandu, beaucoup plus consistant par rapport à la France. Tandis que, après voilà, quand je me confronte avec des copains et tout, ça me semble qu'au moins depuis une dizaine d'années, la France en général et Paris en particulier avaient été assez... ces formes-là n'existaient ou n'existent plus. Et là, peut-être, c'est... Mais aussi, l'autre chose intéressante, c'est justement avec une prise de parole, une volonté de faire quelque chose par rapport, et ça rejoint plutôt les autres contextes depuis 2011 aussi, de sujets qui ont leur première expérience de politicisation. Et ça, c'est précieux a priori. Après, je ne sais pas sur quoi ça débouchera, mais certainement, ça me semble que quand même aussi pour la France, voilà, ça marque un petit peu les esprits ou l'atmosphère, et ça puisse ouvrir vers quelque chose de nouveau. Quand même la remise en discussion de l'État, la remise en discussion de la représentation et tout, ça me semblait que voilà, qu'en France, il était moins fait par rapport à d'autres contextes, mais ça appartient aussi à l'histoire récente, quoi, de la France, qui est quand même, je veux dire, les réformes néolibérales sont très présentes en France aussi, mais n'ont pas frappé avec la même dureté. Je veux dire, le welfare français, ce n'est pas le welfare des autres pays, ni même pas de l'Allemagne. Le monde du travail, la fragmentation, la précarisation, du monde du travail français n'est pas celle du monde du travail anglais, espagnol, italien ou allemand. Donc là, il arrive ce coup-là et il y a une réaction qui quand même est très intéressante. Mais je ne pense pas qu'on puisse réduire ce qui se passe à Debout comme une reprise de ce qui se passe en Espagne ou en Italie, parce qu'il y a quand même l'exemple des arbres, enfin, par exemple à Notre-Dame-des-Landes, où là, il y a eu, enfin, dans les AG, on voit vraiment, dans les rencontres, on voit vraiment des rencontres entre mondes sociaux qui ne se côtoyaient pas, enfin, genre, pour dire des trucs entre guillemets, des choses qui étaient, enfin, pour le coup, qui étaient vraiment nouvelles. Après, c'est sûr que c'était pas l'occupation de la place publique, mais en termes d'un nouvel endroit occupé où il y a des gens qui se méprisaient ou se parlaient pas avant, enfin, des militants qui avant restaient dans leur case, et il y a quand même des précédents et qui nourrissent Notre-Dame debout. C'est des expériences qui donnent sur Notre-Dame. On ne peut pas juste faire mai 68 Notre-Dame, enfin même mi debout et dire que voilà. Et il y a des films en plus, parce que je suis dans des bandes aussi de documentaristes, il y a par exemple le Dernier Continent de Vincent Lapis sur Notre-Dame-des-Landes, et qui montre justement tous ces points de friction où au départ des paysans et des militantistes spécistes n'arrivent pas à. Enfin, ils sont vraiment. Je mange pas de viande, t'en produis, t'es un ennemi, et arrivent finalement à discuter. On voit qu'il y a une transformation aussi des personnes, et donc ces images qui ont beaucoup circulé, elles nourrissent aussi, enfin, pour voir la façon dont les salles de cinéma ont été remplies autour de ce film-là, enfin, et d'autres images. Ça nourrit aussi ce qui se passe à l'île de Côte. Vas-y. Moi, je pense que je ferais pointer dans ce que j'ai entendu de la part de plusieurs d'entre vous, c'est la question, je pense que je vais rappeler un peu, du fait que, il semble qu'on arrive à de façon très. Avec beaucoup de sérénité, à faire cohabiter des points de vue différents dans les discussions. C'est-à-dire qu'en fait, des gens qui ont des idées arrêtées ne se rencontraient pas et là viennent un petit peu, y compris libérer leurs paroles, plus que dans d'autres lieux. Et ça m'intéresserait qu'on essaye de comprendre un peu ça, parce que, la question que je me pose est la suivante. Est-ce que ça survient du fait que le fait qu'on vienne discuter sur la place publique et qu'on s'impose un peu de laisser chacun s'exprimer, puisque c'est un peu le principe, fait que cette possibilité de libérer plus la parole et d'écouter des points de vue différents fonctionne parce qu'on est sur ce principe-là qui est un peu adopté de façon intuitive par tout le monde, ou est-ce qu'il y a aussi, et un peu moi ce qui me fait frapper, est-ce que ça relève aussi de l'activité déployée par les animateurs un peu, c'est-à-dire, parce qu'il y a un peu des méthodes qui sont en acte. Je sais pas, toi tu parlais de référents, hein, donc moi j'aimerais bien que tu dises un petit peu plus d'ailleurs c'est quoi les référents, enfin c'est quoi leur fonction, et finalement moi j'ai eu l'impression, en tournant aussi dans les commissions, qu'il semblait un peu avoir peut-être une culture commune de ces acteurs, alors qu'elle n'existe certainement pas, mais le fait de dire, bon, il y a un peu des règles quand même sur, on se réunit, une commission, bon ben elle démarre pas comme ça, il y a quelqu'un qui prend la parole, mais après on se demande donc, qui veut être le modérateur de cette séquence, donc c'est pas prédéterminé, enfin selon les cas, je sais pas, il y a qui va prendre des notes pour faire le compte rendu, il y a comment on se donne la parole, il y a quelqu'un qui prend les tours de parole, il y a un peu des rôles qui se structurent, alors c'était peut-être lié à ce qui se faisait en Espagne ou ailleurs aussi, mais bon, il y a aussi cette règle un peu dans l'Assemblée là, les gestes, etc., mais l'opposition radicale, par exemple, qui permet d'intervenir de façon non prédéterminée au départ, puisque c'est pas, bon, je vais dire, bon, moi, je suis pas d'accord, mais je fais la proposition alternative suivante, hein. Ces questions-là, il semblerait intéressant qu'on les comprenne un peu mieux, quoi, de ce point de vue, de voir comment ça, ça fait évoluer le... Il y avait une question ici. Je vais la répondre tout de suite. Si... Alors, on prend peut-être cette question, une question, et puis tu réponds après. La question n'était pas forcément en lien direct avec ça, donc je ne sais pas si c'est très pertinent qu'on enchaîne, mais alors, bien. Ouais, peut-être faut mieux qu'il réponde. Alors, un référent, en fait, c'est juste une charge de travail. Donc, c'est pour ça, ça donne pas vraiment de pouvoir. Enfin, ça donne tout le temps un certain nombre de pouvoirs. Par exemple, tu prends des notes, tu deviens référent. Genre, c'est comme ça que ça marche dans notre commission. Et donc, tu partages une charge de travail, par exemple la modération, la prise de notes, la gestion de la page Facebook, du wiki, des trucs comme ça. Et ça donne un certain pouvoir, enfin, qu'on croirait pas, quand même. Parce que par exemple, si je retranscris les notes sur mon PC, c'est mes interventions, je peux les spécifier, je peux les affiner, je peux faire des choses que les gens qui ne sont pas là à retranscrire les notes sur le PC, enfin, ça pose des questions comme ça quand même. En référent, il n'y a pas de pouvoir s'il y a quelques formes de pouvoir comme ça. Mais c'est surtout de la division de charge de travail. Et le débat est organisé, bien sûr. En fait, c'est une forme d'état général à l'ordre. Il n'y a pas de règles explicites, mais il y a des règles implicites. Et un truc implicite qui sont acceptés, c'est qu'il faut un modérateur qui prend les tours de parole, comme tu es en train de faire, et qui donne la parole aux gens, qui rappelle qu'il n'y a pas de... Il rappelle les signes, il y a quelqu'un qui prend des notes, et le modérateur rappelle aussi qu'il n'y a pas d'échange long entre deux personnes qui se répondent, qui se répondent, qui se répondent, qui se répondent. Ça a des problèmes, ça a des limites, parce que ça limite la profondeur d'une discussion, tu ne peux pas rentrer en détail dans un point, mais d'un autre côté, ça évite de te faire tomber dessus si tu dis un truc où quelqu'un n'est pas d'accord, de te faire tomber dessus 15 fois par la même personne, et donc ça participe au fait que les gens sont libérés dans leur prise de parole. Si tu es sûr qu'on ne va pas te tomber dessus pour pourrir ton avis de manière trop répétitive, tu oses parler et dire des bêtises. Et c'est quelque chose qui est intéressant. On s'est rendu compte aussi des trucs débiles, mais avoir un mégaphone, ça limite la prise de parole des gens. Parce que ça a un effet symbolique, je ne sais pas, mais les gens prennent moins la parole quand il y a un mégaphone. Enfin, non. Donc voilà ce que c'est un référent, voilà comment le débat est organisé. Après, Donc oui, moi la question en fait, j'ai pas suivi en fait les premières heures, les tout premiers jours du mouvement, et c'était un peu justement revenir sur cette genèse, comment en fait le mouvement s'est retrouvé Place de la République, en tout cas pour Paris, voilà, c'est ce genre de choses. Alors il y a eu l'appel de gens réunis autour de Fakir à se réunir le 31 mars après la manifestation sur la Place de la République avec le slogan « On ne rentre pas chez nous ». Et après, peut-être il y a d'autres personnes qui peuvent en témoigner, mais spontanément, les gens sont revenus les jours suivants. Oui, oui, le DAL, pour ses actions propres, avait une permission de rester sur la place de manière permanente, en fait, théoriquement, jour et nuit, les quatre premiers jours, jusqu'au dimanche. Jusqu'au dimanche, c'est quoi le... Donc en fait, précisément, il y a eu deux réunions de ce collectif le 27 février et le 12 mars. Ou 23 février. 23, oui, ouais, 12 23. Mars. Et le 12 mars, c'était après la première manifestation le 9 mars. Et donc là, c'est précisé cette idée en disant ça marche dans la rue, les syndicats appellent à des nouvelles journées. Le 31 mars, c'était la journée que les syndicats avaient choisie avant la pétition. Et donc là, tout le monde était sûr, alors même que le 12 mars, il n'y avait pas encore toutes les dates, que le 31, il y aurait quelque chose. Et voilà comment cette idée-là, au début, a émergé autour de « on rentre pas chez nous ». Et au début, leur truc, c'était de leur faire peur, le slogan. Et donc, si j'ai bien compris, moi, j'étais pas là le 12 mars, mais ça s'est vraiment un peu plus décidé le 12, en fait. Je suis désolé. Non, mais j'ai pas fini de répondre, je me suis rendu compte que j'ai oublié un point. T'es sûr? D'accord, je comprends. Tu parlais d'une parole libérée, et c'est revenu, que les gens, ils allaient respecter une parole contradictoire à la leur, et des trucs comme ça. Bah, ça vient aussi du fait qu'il n'y a pas de stade. Quand tu viens sur la place de la République, tu n'es pas dans une cellule de parti où tu as un statut institutionnalisé, où tu dois défendre une ligne de parti, que tu as décidée avec des copains. Donc, tu n'es pas dans ce cadre-là qui t'empêche même de t'émanciper de tes propres engagements politiques. Et donc, ça peut aider sur la place de la République. Et nous, on a une règle aussi, c'est tu ne viens pas dire, en début de parole, tu ne dis pas « ça fait 10 ans que je travaille sur la question » ou « je suis économiste ». Ou je suis professeur d'université. Enfin, c'est interdit, c'est rappelé, c'est interdit de faire de mettre en avant un statut pour essayer d'éviter justement le pouvoir symbolique qu'a une position professorale qui empêche la prise de parole d'autres gens qui ne seraient pas d'accord. Et donc tu leur rappelles que leur statut c'est le même pour tout le monde, donc ils respectent les autres arguments parce qu'ils ne peuvent pas mettre en avant un statut, une légitimité ou quelque chose comme ça. Oui, j'ai plusieurs choses à dire, peut-être juste deux mots sur comment je suis là. Moi j'étais sur la place à partir du 31, beaucoup, j'habitais pas très loin. J'ai été à la première nuit jusqu'à bien tard et puis ça m'a intriguée. Et j'ai retrouvé sur la place beaucoup de gens que je connaissais. Et donc on a commencé à s'interroger un peu sur qui en fait est sur cette place. Donc moi je suis un peu désolée d'avoir loupé ce matin les interventions. Donc en s'interrogeant sur cette question de qui est là, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de sociologues et beaucoup de nos collègues. On s'est dit qu'il faudrait qu'on échange les informations, et alors il y avait un certain nombre d'entre nous qui n'ont pas pu s'empêcher de prendre les notes parce qu'ils étaient en danger. Voilà, donc on s'est mis un peu ensemble, on a échangé et on s'est dit que ça serait bien justement. Alors, deux choses qui nous avaient frappé, c'était d'un côté que sur la place, alors moi j'étais. Au moment du CPE, j'étais à Toulouse, donc j'étais pas ici, mais tous les autres avec qui, les cinq, à échanger un peu sur nos expériences, se sont rendus compte qu'il y avait des gens qu'ils n'avaient pas vus depuis les CPE qui se retrouvent sur cette place. Donc quelque chose, ça c'est pour dire, est-ce que c'est quelque chose qui reprend des expériences à l'étranger? Nous on avait plutôt l'impression que c'est quelque chose qui au contraire reprend une expérience très franco-française qui est celle du CPE. Là, c'est des gens qui étaient au lycée à l'époque du CGE et qui, en gros, disent, parmi leurs copains, il y a eu deux mouvements à partir du CPE. Les groupes qui se sont plutôt radicalisés et sont partis dans un militantisme plus dur, avec des actions en petits groupes, vraiment petits groupes, et des actions concrètes d'occupation, d'attaques de banques et de supermarchés, enfin des choses comme ça. Et les groupes qui, après le CPE, se sont retirés, en fait, enfin, qui étaient peut-être même les plus engagés dans le mouvement du CPE et qui ont une espèce de période d'hibernation de 10 ans où ils ont disparu de la circulation et qui, tout d'un coup, en fait, là, se retrouvent sur la place. Donc il y a des gens qui se retrouvent, qui n'ont pas eu les mêmes trajectoires à partir du CPE et qui se retrouvent sur cette place et qui se reparlent en fait à l'occasion et du coup qui reviennent aussi parce que ça leur fait penser, enfin, ça leur fait revivre un passé qui était quand même émotionnellement positif. Le CPE est une référence qui, à la fois, pour certains, il y a un échec parce qu'avec l'abandon de la loi, voilà, il n'y a pas eu de suite et donc il y a eu une espèce de fin de la gauche après ces mouvements-là sur les dernières années et un durcissement de la droite, et qu'en même temps il y a une mémoire de la lutte commune et positive qui est là et qui donc reste présente. Donc ça c'était la première chose où on se disait qu'il y a quelque chose d'une sorte de renaissance, c'est quelque chose qui existe déjà de manière assez importante avec des liens militants qui sont présents. La deuxième chose qui nous avait frappé, c'était les clivages entre l'AG et les commissions, et notamment un refus, un scepticisme assez important de la part des, finalement des plus radicalisés ou des plus gens les plus engagés dans des actions qui trouvaient que c'était un mouvement un peu bisounours qui parlait sur la place et qui n'était pas très pertinent nécessairement au début et qui s'en retrouvaient à revenir quand même sur la place. Donc aussi une espèce d'évolution de l'appréciation de ce mouvement. On a un peu constaté ça et du coup on a voulu en savoir plus et l'idée avait été donc de continuer à prendre des notes mais aussi on voulait passer un questionnaire parce qu'on s'est dit que ça serait quand même très bien de savoir qui est là un peu plus socialement. On avait aussi été frappé par à la fois la blanchité du mouvement, la séparation dans l'espace, etc. Et donc on a constitué ce questionnaire et on a été très gênés parce qu'on n'avait pas envie justement d'être chercheurs sur la place. On participait quand même à des commissions, enfin, on était un peu là, et donc du coup on n'avait pas envie d'avoir cette distance de la recherche, on avait plutôt envie d'avoir un truc recherche-action. Et il se trouve que en fait on n'y arrive pas. Enfin, on n'y arrive pas très bien. Alors je pense qu'on n'y arrive pas pour beaucoup de raisons. Une des idées qu'on avait, du coup, c'était de dire ça serait bien que Nuit Debout fasse cette recherche elle-même, c'est-à-dire que les gens la fassent avec nous, qu'on fasse une espèce de formation au questionnaire, et puis on interroge les gens, et puis après c'est eux qui interrogent les autres, et qu'on fasse une espèce de... voilà. Et donc on s'est interrogé comment faire, est-ce qu'il ne faudrait pas séparager, est-ce qu'il faudrait passer... On a fini par se dire, on a commencé à constituer le questionnaire, et il y a un grand débat, est-ce que c'est nous qui constituons le questionnaire ou est-ce qu'il faut qu'on le constitue avec des gens. Et donc on a intégré la commission mémoire, parce qu'on s'est dit c'est une commission qui est intéressée par la collecte de la mémoire de ces places, qui sont actuellement en lien avec le musée Carnevalet, parce que le musée Carnevalet est intéressé à ramasser des objets debout. Et ils veulent conserver, il y a deux conservateurs qui veulent en fait sauver les peintures, les dessins, et ça a donné un gros débat parce qu'il y a des gens qui sont très sceptiques à ce que lui est debout pense au musée, c'est la mort du mouvement, c'est assez tendu. En même temps, les deux personnes qui sont là et qui sont plutôt... ils sont là parce qu'ils veulent sauver les objets, hein, c'est vraiment, ils sont là parce qu'ils ont vu les dessins et ils ont dit, si ça s'arrête, les gens ils les jettent, c'est horrible. Donc voilà, il y a une espèce de question. Et c'était très intéressant parce que quand j'ai parlé du questionnaire, ils ont dit, oui, mais ça, c'est un truc de sociologue. Donc c'est aux sociologues de le faire. Alors ils n'avaient aucun problème avec le questionnaire, j'étais surprise. Ils avaient beaucoup de problèmes avec le musée, mais pas de problème avec le questionnaire. Mais par contre, c'était pas du tout, j'ai pas du tout réussi à convaincre que c'était un truc à faire, avec, en tout cas avec la commission de mémoire. La commission de mémoire, elle se sent pas, les gens qui sont là-dedans ne se sentent pas particulièrement, c'est pas leur boulot. Ils disaient, oui, il y a déjà des documentalistes, il y a des journalistes, il y a la radio debout, eux ils documentent. Si tu veux passer un questionnaire, passe-le, mais voilà, ça c'est pas pour nous. Et donc j'étais embêtée, alors ça c'est une des choses pour lesquelles ça n'a pas marché. Enfin, ça, pour l'instant ça n'a pas encore. Et l'autre chose, c'est que c'est extrêmement difficile de combiner recherche et action. Et quand on passe ses journées à travailler et ses nuits sur la place, et que par ailleurs on se fait taper par les flics et qu'on est fatigué, en plus passer des questionnaires qui font qu'au moment où on passe ces questionnaires, on loupe l'AG ou on aimerait être, ou on loupe la commission parce qu'en fait on voudrait plutôt être en commission. Moi, pour l'instant, j'ai pas bien trouvé une solution à faire ça, et en même temps, ça me semble, on a passé quand même du questionnaire pour tester un peu, pour voir ce que ça fait sur la place, on était trois, et je trouve ça, les réponses étaient extrêmement intéressantes parce qu'on a réalisé que finalement, moi, les personnes avec qui j'ai parlé, c'était des personnes de passage, c'était pas des personnes qui sont installées sur la place, mais pour le coup, j'étais surprise de voir qu'il y a des gens, j'ai parlé que à trois personnes, mais tous les trois n'étaient pas du tout ce que j'attendais. C'était moi, j'attendais Capital Culturel plus, un gros diplôme, etc. J'ai parlé à un mec qui avait un brevet et qui était ouvrier immigré du Laos et qui était là. Alors certainement, c'est des exemples un peu pas du tout représentatifs des gens qui se trouvent sur la place, mais ils sont là aussi. Et je trouvais intéressant comment ils arrivent sur la place. Donc ça m'a permis aussi de me dire peut-être que c'est plus compliqué que ce qu'on voit, et je suis convaincue que ça serait vraiment important, y compris dans une logique de convergence des luttes, de savoir qui est là et pourquoi les gens sont là. Et donc voilà, et donc on est là, on n'arrive pas très bien, on trouve ça difficile et on ne sait pas comment faire pour arriver à en faire quelque chose de, oui, de, qui nous sort de cette gêne aussi de, d'être chercheur tout en étant militant et de ne pas vouloir imposer quelque chose tout en étant convaincu que ça pourrait être quand même utile. C'est intéressant parce que ce dont vous parlez, la difficulté, je trouve que. Excusez-moi, j'ai pas. Allez-y. C'est intéressant ce que vous dites sur la difficulté qu'ont les chercheurs, je trouve, à se mettre ensemble dans la nuit debout et à se mettre en lien avec la nuit debout. Il y a un appel aussi qui a été lancé par la Fondation Maison Sciences de l'Homme pour financer des projets sur la nuit debout à hauteur de 3 à 10 000 euros. Et j'ai... C'est scandaleux. Pardon? Moi, je trouve ça scandaleux. Et je trouve que. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui a répondu à l'appel à projet et je trouve ça très perturbant qu'il y ait un moment qui est fait et qu'on n'ait pas profité de ce moment-là pour soit récolter les fonds et dire bah, regardez, Nuit Debout, on crée une commission chercheur, on se met ensemble à bosser sur ces questions-là et on produit du discours en tant que Nuit Debout, discours scientifique, soit en travaillant dans une enquête de recherche action, soit on décide de créer autre chose que ce fric et donc de le faire toujours au nom de Nuit Debout et proposant un discours alternatif ou un discours de chercheurs qui vont être financés par cette fondation. Voilà, je trouve ça assez symptomatique. Et par ailleurs, j'ai constaté, j'ai un peu observé les personnes avec lesquelles vous travaillez, j'imagine, qui faisaient partie de Paris 10, ces sociologues qui ont distribué les questionnaires, après qui essayaient de faire répondre. Et je ne sais pas si vous avez des retours de vos enquêteurs, mais je trouve qu'il y a aussi pas mal de pratiques de contournement et de détournement de la pratique de la réponse au questionnaire même, où en fait, l'enquêteur passe plus de temps à essayer de justifier sa démarche qu'à avoir des réponses concrètes. Et donc en fait, moi j'ai observé des gens qui viennent leur voir et ils disent « Mais alors tu viens d'où ? Tu es financé ? Tu viens de quelle institution ? Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu ne fais pas partie de Nuit Debout ? Mais c'est bizarre, tu es là et tu dis que tu es chercheur tout seul, mais tu es freelance, ouais, vas-y explique-moi. » Et moi j'ai presque eu ces réactions-là aussi quand j'ai vu des chercheurs sur la place, parce que je trouve ça honnêtement perturbant que les chercheurs soient les seuls qui n'arrivent pas à faire une convergence de leur savoir sur une place dans lequel le mot d'ordre, c'est convergence des luttes et convergence des pratiques et des mises en commun des savoirs. Il y avait... Je fais ma recherche sur la question de l'UVSRT, des droits de l'homme, je travaille sur Ademas. Donc du coup, quand Kevin dit tout à l'heure qu'il est interdit de mettre en avant le statut, je vois un peu toutes les précautions que Ademas met sur la question de l'éthique de la discussion. Et ça m'intéresse. Bon, moi, je prends la parole parce que je voulais aller dans la troisième préoccupation de Pierre tout à l'heure, c'était de savoir comment est-ce qu'on peut interagir avec un tel mouvement. Parce que voilà, le caractère horizontal du mouvement fait que est-ce qu'on va passer tout le temps à la République pour organiser tous les jeux des débats et revenir là-dessus et on sait ce que c'est que les idées. Les idées se renouvellent chaque jour, les idées se renouvellent. Est-ce qu'il y a des délais dans les débats? Est-ce qu'il y a un avenir qui est possible? Et finalement, c'est pas là que j'arrête. Est-ce qu'il est possible de négocier? Est-ce que vous pensez que... Est-ce qu'il y a une ouverture? Négocier avec qui? Avec les systèmes en place. Est-ce qu'il est possible... C'est-à-dire que... Attendez. Est-ce qu'il est possible que... À un moment donné, voilà, je ne sais pas, est-ce qu'il est possible de négocier? Alors, il y avait déjà deux, on prend peut-être ces deux interventions sur la recherche, et ensuite on prend différentes réponses sur la question du rapport au gouvernement. Oui, alors, concrètement, la proposition de recherche-action transversale à Nuit Debout, c'est une proposition qui émane de Nuit Debout. Donc c'est pas du tout... moi, je vois pas du tout que ça aurait pu faire, du coup, rentrer dans le cadre de cette proposition-là d'appel à chercheurs, qui est une proposition qui vient de l'extérieur et qui prend Nuit Debout comme un objet d'étude. Et voilà. Et donc, s'il y a des gens qui veulent venir nous regarder comme des animaux de laboratoire, très bien. Maintenant, en soi, je vois pas non plus que dans ce cadre-là... voilà, je ne vois pas ça intéressant pour le mouvement, de toute façon. C'est, alors après, c'est pareil aussi par rapport à la sociologie. Je pense que c'est aussi de s'enrichir les uns les autres. Donc, de qu'est-ce que... voilà, de transmettre nos compétences aussi, mais aussi de les réinterroger par rapport aux autres et de la visée de qu'on pourrait en avoir et pas forcément rester dans son cadre habituel qui d'habitude prend justement un objet d'étude. Donc là, on devient nous-mêmes aussi sujet et qu'est-ce qu'on va faire avec tous nos acquis, quoi, de savoir et tout ça. Voilà, c'était dans le sens des convergences des méthodes aussi. C'est on crée un autre outil en fin de compte. Voilà, et puis pour là, du coup, ça rejoint les deux questions par rapport à l'extrême gauche ou par rapport au syndicat aussi. C'est encore une fois, l'extrême gauche est à Nuit Debout. Il y a plein de militants de partis qui sont dans Nuit Debout et qui sont Nuit Deboutistes à part entière depuis le début, comme les syndicalistes. Et ce rapprochement avec les syndicats, en fait, c'est encore une fois, c'est pas pour que ça tire vers le syndicat ou que du coup ça fasse une nouvelle forme de syndicalisme. Non, enfin, en tout cas, moi, comment je le pense, mais je ne suis pas la seule à le penser, puisqu'il y a justement déjà des syndicalistes qui sont là, c'est aussi penser à comment on peut faire autrement, quoi. Parce que y a tout le monde, que ce soit l'extrême gauche, les syndicats, on se rend bien compte que ça fait des décennies que nos moyens ne marchent plus. Donc, voilà. Par rapport à la fois cet appel d'offres que moi j'ai fermé dans mon laboratoire quand j'ai reçu l'appel d'offres en disant que je trouve ça parfaitement scandaleux, c'est quand même plus de 65 000 euros morcelés dans des bouts de tranches de 3 000 à 10 000 euros. Donc ceux qui ont postulé, il y en a beaucoup, c'est forcément des précaires, soit des chercheurs qui prennent ça en plus et éventuellement qui financent des gens. Avec 60 000 euros, on peut faire un postdoc d'un an très confortable de quelqu'un qui un vrai emploi. C'est un mouvement sur la précarité qui est très très présent sur la place, sur les conditions de travail. De faire ça, c'est vraiment ce qu'on avait. Enfin, je trouvais ça parfaitement ce qu'on avait. Après, je voulais aussi réagir sur cette question de quelle est notre posture. Alors, il y a beaucoup de gens qui passent des questionnaires. Nous, on est passé une nuit. Il y a des gens de Paris 8 qui sont passés avec des étudiants. Il y a justement des gens, je crois que je ne sais plus quelle université ici, qui ont une enquête extérieure financée. Donc, il y a une anthropologue qui a financé des étudiants qui, eux, passent des questionnaires. C'est peut-être eux qui, je sais pas. Donc, il y a différentes personnes sur la place qui essayent de comprendre. Alors, visiblement, là, dans le cadre de l'anthropologie, c'est une nana qui a un article à publier en décembre et qui va le faire, et qui a donc financé des étudiants, elle-même ne va pas sur la place, pour faire passer les questionnaires, et c'est pour cet article qui va être publié dans je ne sais pas quelle revue. Donc c'est aussi pour ça que j'ai réagi un peu à ce projet de livre ici, parce que je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc où on va produire un autre article avec un point de vue extérieur, que la violence du truc, je trouve ça extrême, est très très problématique. Nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est pas ça, c'était vraiment cette idée, est-ce que là, il n'y a pas un espace où on peut faire la recherche autrement, sauf qu'on arrive pour l'instant difficilement. Alors c'est intéressant aussi parce que je suis la seule statutaire parmi le groupe qui a décidé de mettre en commun les informations. Il y a beaucoup de statutaires sur la table, pardon, beaucoup de mes collègues de Nanterre, qui eux n'ont pas voulu joindre le projet. Enfin, que j'ai contacté, j'ai été appelé, j'ai dit est-ce que vous ne voulez pas faire partie, et ils ont dit non, j'ai pas le temps, etc. Mais je les retrouve sur la place. Donc ils n'ont pas le temps de partager leur truc, mais ils font. Voilà. Donc il y a aussi une logique de très individualiste de je vais être le premier à publier dans une revue, etc. Je vais m'approprier ça scientifiquement et ça va. Enfin, pour moi, c'est un positionnement des chercheurs qui est extrêmement problématique et qui me met très mal à l'aise. C'est aussi pour ça que je me suis dit, est-ce qu'il ne faut pas que j'arrête de réfléchir à un questionnaire et que plutôt je me mets dans les commissions et j'arrête ma recherche. Mais en même temps, je suis chercheuse et je trouve ça dommage parce que je pense qu'on aurait des choses à apporter. Et c'est très difficile à tenir cette position-là et je ne sais pas, pour l'instant, une très bonne solution. Thank you. On prend les réponses sur la question par rapport à la négociation avec le gouvernement possible, et puis on repartira après sur la recherche, mais comme la question avait été posée et qu'il y avait des réponses. Sinon, de manière hyper lapidaire, pour trois, j'essaye, vraiment pas plus de deux minutes. Au fond, la question que vous avez posée, c'est celle qui a hanté le mouvement ouvrier pendant deux siècles, c'est-à-dire quelle est l'articulation entre spontanéité et organisation. Tandis que vous, au final, vous avez posé la question des limites de l'horizontalisme et de la négociation. La négociation, ça passe toujours dans un rapport de force, et ici sur l'enquête, l'auto-enquête. Bon, sur la première, vraiment très, très rapidement, j'aurais envie de dire que d'un côté, cette convergence de lutte ou la tentative, même si ce n'est pas si lisse, si irénique, d'une cohabitation entre des orientations, des sensibilités, des perspectives très différentes, fait partie un petit peu de l'esprit du temps, mais que ça correspond à une situation matérielle qui est là depuis un moment. C'est-à-dire qu'on a quand même plusieurs choses qui sont là, qui sont communes à différents contextes. C'est-à-dire qu'il y a une crise qui est globale, qui est systémique depuis 10 ans. Il y a un processus d'appauvrissement, de précarisation, d'effritement des couches moyennes qui est là, de démantèlement du welfare et de crise de la représentation. Donc ça, il était très présent dans toutes les places, d'une quelque manière, qui est déjà là et qui on est obligé à faire avec. Mais après, justement, il y a tout le côté de l'organisation, de la mise en place, qui est super délicat, mais qui part de cette donnée de fait-là. Donc c'est quelque chose qui avec lequel on est contraint, et que moi je trouve aussi qui est très positif d'y travailler, mais je crois que là, depuis un moment, et dans cette conjoncture-là, on ne peut pas revenir en arrière, on ne peut pas penser l'organisation d'une manière différente. Après, justement, la question que vous posiez des limites de l'horizontalisme, moi je trouve qu'il y avait une poussée vraiment horizontaliste très forte en 2011-2012, et qui, au bout d'un moment, quand même, a produit des effets très positifs, mais qui aussi a cloché, c'est-à-dire que États-Unis, Espagne, Grèce aussi, il y a eu des conflictualités hyper fortes pendant des années, mais qui n'arrivaient pas à peser sur une transformation plus générale des institutions. Et donc là aussi, j'imagine, c'est toute la question aussi qu'il y avait eu en Grèce, qu'il y avait eu des situations de conflictualité hyper fortes entre 2008 et 2010-2011. Mais après, il y a eu aussi des mouvements les plus radicaux, des anarchistes, des autonomes, une tentative de cohabitation ou de soutien, de pression extérieure à Syriza, parce que justement, après 3-4 années de presque guerre civile ou d'écroulement de l'État et du lien social, bon, il y avait deux tactiques ou deux stratégies, et chacun de sa manière, je trouve qu'ils ont eu aussi, non, là à nouveau, une influence réciproque très positive. Et la négociation, c'est pas un abstrait, la négociation, c'est toujours conjoncturel. Tu peux négocier au moment où il y a un rapport de force que tu permets de négocier. C'est ça, donc c'est toujours une question stratégique. Est-il possible de négocier? Ça dépend du contexte, ça dépend du moment. Et après, sur l'enquête ou auto-enquête, je trouve que justement, les auto-enquêtes sont très intéressantes, parce qu'elles sont très intéressantes dans la mesure où elles ne produisent pas du savoir qui est fait en soi-même. C'est-à-dire que tu produis du savoir qui doit déclencher des effets pratiques. Et ça aussi, c'est quand même, ça remonte à la tradition du mouvement ouvrier, de l'enquête ouvrière. C'est-à-dire qu'on faisait de la recherche sur soi-même pour comprendre quelles étaient nos limites même, pour mettre en place des formes organisationnelles nouvelles. Et justement, là, ça rejoint les deux questions. C'est-à-dire que l'horizontalisme, il est très bien, mais après, il faut trouver... Et, alors, moi, je n'endosse pas Polémos en tant que tel, mais là, je vois une tentative qui, au moins, est originale. Hein, après, Polémos, il est hyper indéfaillant, c'est de plus en plus ouratisé, etc. Mais de créer une espèce d'articulation entre horizontalité et verticalité. Et ça, c'est quand même une chose intéressante, mais qui n'est pas totalement inédite, parce que quand même, on a eu dans le passé, 19e et 20e siècle, des exemples justement d'organisations qui étaient très démocratiques aussi, mais qui n'avaient pas peur de se confronter avec les institutions, avec la prise de pouvoir, etc. Donc c'est toujours cette articulation-là qui est intéressante et avec laquelle on est contraint de nous confronter. Voilà. Alexis, vous faites des réponses vraiment, vraiment rapides et il nous reste très peu de temps. Il y a encore deux autres interventions. Avec mes collègues, parce que tu as fait 2 points des 4 sur l'enquête ouvrière. Et puis la Grèce et l'Espagne, Juste un tout petit point sur la Grèce, qui est intéressant, c'est qu'il y a eu des mouvements assez proches. Puis après 15 journées de grève générale, le diagnostic qu'il fallait un déverrouillage institutionnel, ça n'a pas marché, et donc là ça repart. Grève générale ce week-end, le gouvernement qui était censé avoir fait une alliance réprime très fort, et nuit debout pour le 15 mai, ça marche semble-t-il très bien, selon les retours que j'ai, donc il y aura du monde dans une vingtaine de villes. Simplement sur la question de la négociation, une petite anecdote pour partir toujours de choses concrètes. Je connais la personne qui va à l'hôtel de ville, à la préfecture, pour négocier pour les horaires d'occupation, enfin d'autorisation de la place. Et alors, et en même temps je répondrai à partir de ça aussi sur la question du rapport au gouvernement, il y a eu vraiment, m'a-t-il dit, hein, donc c'est quelqu'un de Sud Solidaire, de deux phases en fait. Une phase au début assez permissive, et d'ailleurs le gouvernement a essayé de dire nous on aime bien Nuit Debout, c'est très bien, c'est des gens qui vont voter pour nous l'année prochaine, essayer ce genre de choses. Et puis, un peu sans doute parce qu'ils ont vu que ça marchait pas, et que c'était vraiment trop en décalage avec le discours, les images du mouvement, un peu aussi parce que tout ça est quand même pris dans une confrontation entre un mouvement social et un gouvernement sur une chose, là, si j'ai bien compris, il y aura le 49-3 jeudi. Ils viennent de durcir beaucoup les choses depuis 2-3 semaines sur aussi l'autorisation et aussi la préfecture. Et en fait, il faut parler de gens. Le préfet de Paris, semble-t-il, est quelqu'un qui a beaucoup en tête le préfet de mai 68. C'est ce qu'on m'a dit, quoi. C'est-à-dire quelqu'un qui ne voulait pas réprimer et qui dit, par exemple, que si on encercle la place de la République, et si on réprime trop, ça va se passer très très mal. Donc lui, il ne veut pas. Mais toujours selon cet ami, eh bien, en réalité, les strates inférieures des policiers sont très mécontents. D'où la journée du 18 mai aussi, l'appel de la Défense nationale. Ils se plaignent du préfet. Donc vous voyez, négociation, ça veut dire aussi, c'est pareil pour, au niveau de la loi El Khomri, il y a des gens dans le PS, on ne va pas entrer dans le détail, mais qui veulent aller jusqu'au bout, d'autres qui ont intérêt en réalité à lâcher du lest pour prendre le pouvoir plutôt du côté des frondeurs. Tout ça est des contradictions énormes qui se jouent au niveau du gouvernement, mais aussi au niveau très très, par exemple, de la préfecture de police. Là, je pense qu'on peut tous être d'accord pour dire qu'en ce moment, l'idée c'est de casser assez vite cette chose-là avec plus de répression et le 49-3 et en espérant que ça passe. Et ensuite, sur qu'est-ce que ça peut donner très rapidement à partir de ça, eh bien, sans rentrer, bon là, je fais un peu de nuit de boutiste, un peu chercheur, on pourrait aussi parler un peu comme militant, bon. Mais disons que c'est une confrontation politique et donc il faut voir ce qui se passe en face. Il y a trois types d'objectifs, on l'a rappelé chez les nuits de boutiste, avoir un lieu de discussion démocratique, faire retirer la loi du travail et puis constituer un sujet politique, il y a ces trois choses qui coexistent. Ce qui est intéressant à mon sens, c'est que ces trois choses continuent de coexister et puis montent selon les moments. Si là, effectivement, il y a un moment de confrontation sur la loi travail, et ça va être le moment. Là, il y a des appels à la grève générale, il y a le 49-3 très certainement. Sinon, de toute façon, il y aura le calendrier parlementaire. Ça, c'est en train de monter. C'est pas moi qui le dis, c'est en train effectivement de revenir après 2-3 semaines. Le travail de lutte debout, grève générale, redevient plus central. En même temps, ça essaie ailleurs. Bon. Et donc, moi, ce que je vois à la fois très intéressant, puis que j'espère, en fait, c'est que ces trois choses vont coexister et en même temps, que ça peut être débattu, quelle est la priorité du moment. Et là, très certainement, c'est celle de la loi travail, puisque le gouvernement est en train de taper fort, et la police aussi, pour faire passer ça maintenant. Peut-être que s'ils le font passer, ensuite, ils vont redevenir plus permissifs par ailleurs, parce que leur objectif immédiat sera... Il y avait une intervention sur la recherche, je crois. Ouais. Et puis ensuite. Bon, c'est vrai, je voulais réagir à ce qui a été dit sur les questions de recherche parce que j'ai trouvé que les termes qui étaient utilisés étaient un peu caricaturalement manichéens. Hein. C'est-à-dire, c'est vrai que. Alors, moi, je suis chercheur au CNRS et donc le collectif qui, à l'initiative d'un doctorant, a commencé à faire enquête. Nous, des questionnaires, on en a passé maintenant 500. Et c'est vrai qu'on a eu en interne des discussions là-dessus, sur comment on se positionne. Donc les questions, enfin les débats sont pas clos. Hein. C'est, finalement, il y a une vraie mise en abîme entre ce qui se passe à l'intérieur de notre collectif et le mouvement lui-même. Mais c'est vrai que j'ai du mal. Alors après, c'est aussi des questions d'épistémologie, de façon de se positionner en tant que chercheur. Moi, je regarde jamais, quel que soit l'objet sur lequel je travaille, les gens comme des animaux. Et je sais très bien que la spécificité de la réalité sociale, c'est précisément qu'on ne peut pas se mettre à l'extérieur et être comme un laboratoire avec des éprouvettes. Et ça, en fait, ça a des conséquences assez fortes, notamment une contrainte très forte que malheureusement trop peu de sociologues se donnent, qui est quand on prétend décrire quelque chose, un phénomène humain quel qu'il soit, de lui rendre justice. Et nous, notre moteur, ça a beaucoup été ça, c'est-à-dire c'est une question où on n'avait pas besoin de se dire « Oh là là, rassurons-nous, déculpabilisons-nous, on est aussi et d'abord des militants ». Non, en fait, en tant que simple chercheur, premièrement, de porter un regard bienveillant et sympathique. Deuxièmement, de faire confiance au mouvement en disant, si je le décris, en disant des choses justes, en disant des choses vraies, en donnant des contraintes qui sont des contraintes scientifiques, alors je ferai du bien au mouvement. Ça, c'est le pari de la position de recherche. Et j'aimerais bien qu'elle soit ici, pas immédiatement mise à la poubelle comme un truc sorcier. Je pense que ce n'est pas un rapport nécessairement instrumental. Il y a sans doute des gens carriéristes, qui vont essayer de très vite faire des choses. Mais en fait, les instrumentalisations, je crois que ce serait aussi de bonne politique de ne pas faire des procès d'intention dessus et de croire qu'il y a la bonne foi possible dans la prise de participation au débat comme dans l'enquête. Nous, ce qu'on a voulu faire avec notre collectif, c'était justement, bon, le premier ressort, ça a été l'agacement sur les caractérisations à la louche qui sont parues très vite dans la presse, c'est-à-dire le premier papier du Figaro. Il est paru au bout de quelques jours. Et donc on se dit, ah ouais, d'accord, le crépuscule des bobos, bon, vraiment. Et puis il y avait aussi justement ce côté, bah voilà, il y a un doctorant qui d'un coup voit qu'il se passe quelque chose. Et alors voilà, nous, on ne sait pas non plus faire des nœuds de vache, comme disait tout à l'heure Patrice. Qu'est-ce qu'on sait faire? Bah ouais, mais bah en fait, finalement, il y a une division du travail classique en sciences sociales, où c'est les étudiants qui vont faire les enquêtes, et puis où ensuite, et là d'ailleurs, j'ai plein de collègues qui font des tas de commentaires tout le temps et qui font des tribunes dans la presse pour expliquer ce dont il est question, mais il n'y en a pas qui sont fait passer des questionnaires avec nous. Et là, d'un coup, c'était un doctorant qui nous disait « Venez, en fait, il se passe quelque chose. Pour le coup, on a un phénomène en temps réel qu'on va observer. On ne va pas attendre qu'il soit échu, parce que c'est sûr, c'est plus facile une fois qu'on sait ce que ça va donner pour décider si c'est intéressant ou pas. Parce qu'en fait, faire la sociologie des choses mortes, c'est beaucoup plus facile. On sait qui a gagné à la fin, donc on peut aller interroger les bonnes personnes. On sait qui sont les protagonistes là. On se disait, bah voilà, on va pouvoir étudier un phénomène quand il est encore indéterminé, quand il est encore ouvert. Et il y a tout un tas de statutaires, parce qu'il y a beaucoup de statutaires dans notre collectif, qui sont mis au service d'un doctorant et d'un ingénieur d'études qui coordonnent notre collectif. Alors du coup, c'est vrai que, et alors par ailleurs, on a aussi répondu à l'appel à projet. Donc je partage tes réserves, c'est-à-dire que c'est vrai que de dire on va financer 6 micro-trucs à hauteur de machin, c'était pathétique. En même temps, ben, nous, notre doctorant qui a l'initiative du truc, et ben, il est précaire. Et donc on se dit, si ça peut servir à le financer ne serait-ce que quelques mois à partir de la rentrée prochaine, ça sera mieux que rien. Donc après, c'est aussi un faire avec les conditions telles qu'elles sont. Bon, c'est pas très satisfaisant, c'est vrai. Ça nous avait aussi agacé d'autres types d'appels à projets qu'il y avait eu après les attentats et tout. Mais n'empêche qu'on a l'impression que c'est une forme de contribution qui a une valeur en soi, de faire de la recherche sérieusement sur un phénomène. Et c'est une forme de contribution. Et parallèlement, on est en rapport avec des gens de Nuit Debout depuis le début. Et notre façon de gérer cette éventuelle tension que moi je ne ressens pas comme une fatalité, ça a précisément été de mettre en commun nos données et de, voilà, de gérer le communiqué de presse avec eux, etc. Et de partager des résultats, c'est-à-dire on n'est pas en train de... Et donc ça, c'était quelque chose qu'on disait aussi aux gens dès qu'on a passé les questionnaires. On a dit, ben, on veut savoir qui est là et on veut que ça ne soit pas seulement des journalistes qui le disent. Donc oui, c'est un phénomène qui est justiciable d'une enquête et ce n'est pas a priori dans une perspective instrumentale. Je pense que la connaissance... on l'a beaucoup vu dans les débats qu'il y a eu sur expliquer, c'est excuser et tout ça. Enfin, moi, je suis pour la production de connaissances. Je pense qu'il ne faut pas se priver de considérer la production de connaissances comme une valeur en soi. Il y a deux dernières interventions et puis on s'arrête après, ça vous va? Je vois pas. Je vais répondre sinon. Je pense néanmoins que ça demande un questionnement. Et moi, je persiste à être gênée. C'est-à-dire, moi, dans mon approche, pour l'instant, alors peut-être parce qu'on a rencontré toutes les difficultés, peut-être je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, je suis quand même gênée. Je suis gênée avec ma propre démarche de recherche. C'est-à-dire, je suis gênée avec cette idée de passer un questionnaire. Notamment aussi l'outil du questionnaire, on en a beaucoup parlé, de faire des entretiens aussi, mais l'outil du questionnaire, il se trouve qu'il y a une frange de gens sur la place de la République qui sont extrêmement réticents envers les questionnaires, envers les photos, envers tout chercheur tout court, envers toutes les institutions. C'est un peu un phénomène politique de cette place que d'être réticents et sceptiques envers les institutions. Donc du coup, quand on passe un questionnaire, et ça on l'a très vite vu, les refus ne sont pas n'importe quel refus. On a passé 500, on a eu quasiment zéro refus. C'est pas vrai. C'était aussi notre préjugé au départ. On pensait aussi qu'on allait avoir... On n'a pas passé beaucoup, hein, mais dès la première journée, on a eu des refus. Et je pense que ça dépend aussi vraiment. Alors, je veux bien, hein, peut-être il y a voilà, on a une vision peut-être de la place qui n'est pas la même. Même moi, je pense quand même que c'est important de s'interroger sur nos pratiques de recherche. Et ce n'est pas une question si c'est de discipline, ni de CNRS ou pas CNRS. C'est une question de comment on pratique notre recherche et comment, quel lien on établit avec avec nos objets. Et ça se pose pas seulement pour les vidéos, ça se pose pour n'importe quel objet de recherche. Et il me semble que nier la violence qu'on représente nous en tant que chercheurs quand on fait une recherche, c'est politiquement problématique. Enfin, alors après, je comprends que il est important qu'on ne se taise pas pour autant. Ça, je suis entièrement d'accord, et c'est horrible de laisser la place au Figaro et à des gens qui disent n'importe quoi sur les vidéos. Mais quand même, enfin, il me semble que c'est important de prendre en considération les dangers qu'on encourt en pratiquant notre culture. Essentiel pour le pratiquer de manière éthiquement soutenable. Karine, Kevin, et puis on clôt la séance. C'était juste très rapidement, parce que apparemment la phrase qui vous a froissé, je l'avais commencé à si ça les amuse. Alors, mais si ça vous amuse, mais vous êtes libre. Moi, ça ne m'amuse pas, j'ai pas envie de faire ça. Et quand je parlais de recherche-action, ça n'a rien à voir avec ce que vous faites, vous. Voilà, maintenant tout le monde est libre. Voilà, moi après c'est une question de positionnement, comment on se positionne, si on veut être acteur aussi ou si encore une fois vous restez en dehors et c'est un objet d'étude. Moi, c'est pas mon délire. Par ailleurs, la recherche c'est ma passion, donc voilà, c'est juste pour clarifier. Très concrètement, je vois pas pourquoi vous ne créez pas la commission sociologie sur le mouvement, enfin sociologie du mouvement. Voilà. Après, vous pourrez déjà avoir les débats que vous avez entre vous à ce moment-là, parce que je ne suis pas vraiment venu voir un débat entre sociologues sur la manière d'appréhender une bête de foire, quoi. Enfin, c'est assez gênant. Et puis même si ce n'est pas l'objet, c'est ressenti comme ça en tout cas. Donc, même si ce n'est pas le but. Aussi, se demander comment c'est perçu. Après, tu peux m'expliquer que je perçois mal les choses, mais ça ne change pas l'affect que ça génère en moi. Et puis ça peut montrer aussi de faire cette démarche de commission sociologie du mouvement, ça peut montrer qu'on peut produire du savoir autrement, comme on essaie de montrer qu'on peut produire de la démocratie hors des institutions démocratiques. Vous pouvez produire du savoir hors d'institutions universitaires. Vous pouvez produire de la valeur hors d'un marché, hors d'institutions, hors de ce qui est déjà le cadre. Et c'est un peu le but de ce mouvement, de produire autrement, que ce soit de la démocratie, du savoir ou de la valeur. Et puis il y a des gens qui n'ont pas l'occasion de faire votre métier, ça intéresserait, qui ont été boulangers toute leur vie et qui se passionnent pour la sociologie et qui ne pourraient pas faire ça si vous n'êtes pas sur la place à expliquer la démarche. Sur l'avenir du mouvement, en fait, moi je m'inscris dans le temps long, parce que pour différentes questions. Parce que le travail qu'on fait à la commission, c'est un travail ingrat, entre guillemets, d'autopolitisation et d'auto-éducation, et qui se fait pas en 4 semaines. Donc rien de pour ça, on ne peut pas, au bout de 4 semaines, sortir un programme et proposer des choses. C'est un travail de fond, de repolitisation et de rééducation, entre guillemets. Pourquoi c'est un grand ? Un grand, entre guillemets, parce que moi j'aimerais bien me faire un kiff, aller à l'AG, proposer la suppression de la propriété privée, et je pense qu'on a gagné, quoi. Mais le truc, ça n'a aucune efficacité politique. En termes de stratégie politique, c'est totalement débile. Et c'est ce que des gens proposent de faire sur la place. La commission dont on parlait tout à l'heure, c'est ce qu'ils proposent de faire. Et donc, en termes de stratégie politique, ce travail de fond est nécessaire aussi. Et tu ne peux pas négocier si tu es 1% de la population. Tu vas négocier sur quoi? Sur quelle base tu vas négocier? Il n'y a aucune proposition qui a émergé encore, qui a été adoptée sur la République. Et tu négocies au nom de Nuit Debout Paris, tu négocies au nom de Nuit Debout France, Nuit Debout Monde. Il y a toutes ces problématiques. Avant de négocier, il y a toutes ces problématiques qu'il faut aborder. Et puis en 4 semaines, encore une fois, on n'a pas eu le temps de résoudre 200 ans de problématiques économiques qui n'ont toujours pas été réglées par les institutions en place ou par des chercheurs. Enfin, négocier sur quelle base, c'est une question. Et la stratégie de long terme de notre commission, en tout cas, c'est proposer un positionnement sur la loi El Khomri dans un premier temps, mais un positionnement argumenté pour pas que les médias puissent dire qu'on est contre sans savoir pourquoi on est contre. Donc déjà, c'est la critique à laquelle on répond. Deuxièmement, vu que c'est argumenté, ça reprend la théorie néoclassique que tous les éditorialistes utilisent et tous les chercheurs, 80% des chercheurs utilisent, c'est qu'ils vont devoir répondre à cette remise en question de la théorie néoclassique en espérant qu'ils puissent y répondre, enfin qu'ils y répondent. Dans ce cas-là, s'installe un dialogue possible et à la fin les amener sur la réappropriation des moyens de production comme objectif final, qui est la seule façon de répondre aux problèmes économiques qui se posent. Et parce que pour moi, je parle que pour moi, en termes de stratégie politique, parce que pour moi, un capitalisme à visage humain, c'est ça la vraie utopie. Merci beaucoup, ben, on va s'arrêter sur cette belle phrase. Merci aux intervenants et à la salle. Et le séminaire reprendra l'an prochain. Moi, pour une séance en juin, je trouve que la dernière phase de la discussion sur les, je dirais, les pratiques sociologiques invite justement à la continuation de notre réflexion dans le labo Sophia Paul, mais au-delà à Nanterre. Ici, il y a plusieurs personnes qui sont des chercheurs d'autres départements, d'autres laboratoires. Je trouve que la question même de la pratique sociologique dans un mouvement social est une question essentielle. Je crois qu'il faudrait aussi faire l'épreuve de l'histoire des pratiques sociologiques. J'ai suivi personnellement un peu le mouvement à 95, c'est très vieux, mais ça doit rester quand même un peu aussi dans les mémoires, c'est-à-dire l'échec des états généraux lancés par Bourdieu, que j'ai vécu très, très directement du côté syndical. Je crois qu'il y a une histoire à faire de ces pratiques et aussi de ces échecs. Et ce qu'on pourrait espérer, c'est que précisément des modes de réflexion, d'auto-réflexion du mouvement se mettent en place, qui dépassent, pour autant que ce soit possible, parce que ce n'est pas totalement facile en tout cas, qui dépassent les antinomies, les obstacles, les difficultés qui tiennent au fait que bon, nous appartenons aussi à des univers différents. Mais il se trouve aussi qu'il y a des gens qui ont plusieurs identités, qui sont à la fois engagés avec le mouvement et qui sont en même temps des gens qui ont des réflexions et des méthodes. Donc la question qui a été posée, moi je trouve, elle est vraiment importante, et peut-être qu'un séminaire, une séance d'atelier sur des pratiques sociologiques utopiques, si je puis dire, serait bienvenue. Ce serait approprié ces questions-là. C'est la raison pour laquelle on a pas voulu. Donc c'est intéressant que ces débats-là, soyez les menés avec les gens qui viennent sur la place de la République, parce que l'invitation est approprié la compréhension de pourquoi vous sont les propositions. C'est ça c'est dans la présentation que ça se passe. Il faut travailler à faire modifier un peu les choses sur le terrain des représentations. Qu'est-ce qui se passe dans les têtes? Donc pour moi, la place publique, elle doit servir à ça, à remettre les débats qui se peuvent se tenir dans des enjeux comme celui-là. Pour du reste, si n'y a pas une commission. Pour que ça soit. Pas que le débat dans la. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est. Non, mais tu as raison. C'est le temps. Parce que tout le monde a des idées sur le fait que les gens vont poser l'enquête. Nous, c'était notre inquiétude. Au début, on s'est dit, les gens, ils vont dire, ouais, voilà, vous nous regardez comme des animaux de porc. On pensait qu'on allait avoir un taux de refus incroyable. J'ai jamais eu sur un terrain. Les accueils de refus, ils sont ici. Voilà, exactement. Ouais. Un accueil aussi bon, parce qu'en fait, il y a une vraie curiosité des gens eux-mêmes pour savoir. Et on se disait, bah voilà, si on produit une connaissance qu'on met en commun, ça aide tout le monde. Ça n'empêche pas l'autre. Bien sûr, mais on pense pas que ça soit un jeu. On n'a jamais dit que c'était exclusif pour une façon de faire et désolé, hein, qu'il n'y ait pas eu plus de questions sur le féminisme et tout ça, c'est un peu cristallisé sur des trucs. Oui, bah c'est toujours pareil. Ouais, un peu trop longuement à mon goût. Sur la place non plus. On ne peut pas espérer. Oui, mais le problème,